Mon corps a des frissons à tout moment que moi je te vois. J'ai dit mes sentiments, mais aujourd'hui je n'en peux plus. J'ai Dieu te faire savoir que c'est toi mon ange de la vie. C'est toi que j'aime et pas un autre. Et j'ai fait mon choix, je sais pourquoi. C'est toi que j'aime et pas un autre. Et j'ai fait mon choix. J'ai vécu, et mes yeux j'ai assez vu. Je n'ai fait que m'amuser, mais jamais je n'ai été marqué. Et pour toi c'est différent, soudain quelque chose m'attire. Et ça m'épouse de devenir, mais je décide au nom des voix. C'est toi que j'aime, et pas un autre. Et j'ai fait mon choix, je sais pourquoi. C'est toi que j'aime, et pas un autre. J'ai fait mon choix, je sais pourquoi. Le cœur a ses raisons, que la raison n'est qu'une épreuve. Mon corps a des frissons, à tout moment que moi je te vois. J'ai tu mes sentiments, mais aujourd'hui je n'en peux plus. J'ai Dieu de faire savoir que c'est toi mon âge, c'est la vie. C'est toi que j'aime, et pas un autre. Et j'ai fait mon choix, je sais pourquoi. C'est toi que j'aime, et pas un autre. Et j'ai fait mon choix, je sais pourquoi. Coupé que j'ai vécu, et mes yeux j'ai assez vu. Je n'ai fait que m'amuser, mais jamais je n'ai été marqué. Et pour toi c'est différent, soudain quelque chose m'attire. Et ça m'épouse de venir, mais j'ai décidé dans tes bras. C'est toi que j'aime, et pas un autre. Et j'ai fait mon choix, je sais pourquoi. C'est toi que j'aime, et pas un autre. Et j'ai fait mon choix, je sais pourquoi. Je fais mon